On s'est fait péter, on s'est lavé des pétards. Les yeux qui pétillent, c'est Mohassou Pétou. Les yeux bleus qui tombent pour péter, petit jaloute. Le midi s'envoie, y'a déjà Zozo qui tourne. 14 ans déjà, je lui sers pas l'avenue terre. Janvier, janvier, c'est moi qui tiens le terrain. Midi, minuit, Reggie que ça t'héros. Une patate latérale qui va te faire atterrir. Son pareil, ça tourne, ça veut pas qu'est-ce tout. Ça passe sur Vendôme, ça bande sur l'invendu. J'ai rien inventé, moi j'ai tout investi. Y'a trois filles sous le sang, mais tranquille, j'dors la sacoche. Ça marche la tête haute, sort de mes têtes à tête. Ça parle de Toto, mais c'est moi le pute têtu. Minuit dans ma cellule, j'rêve pas de célébrité. Putain, c'est pas cool, moi gère mon pécule. C'est mon seul vrai poteau, c'est qui prend mes patins. Putain, poteau, dormi dans des puntos. Bendero, Bendero, c'est bien mon seul frérot. Sa vie, une cavale, c'est même un calvaire. À 13 ans déjà, devant le PJ qui râle. C'est la cité, la vraie, moi ne joue pas un rôle. Il avait pas un rond, il s'est fait dans la rue. À 15 ans déjà, j'envoie des kills de jaune. 14 ans déjà, bloqué dans un donjon. 14 ans déjà, kill de pédo, je détaille. 14 ans déjà, sous la ligue me déchire. 14 ans déjà, tout est plongé des joues. 14 ans déjà, j'enchaînais les délits. La nuit en garde, j'enchaînais les délires. Midi, je frotte la bavette, mes papiers sont commis. 400 000 sont vendus, non, je fais pas la vedette. 14 ans déjà, bloqué dans un donjon. 14 ans déjà, kill de pédo, je détaille. 14 ans déjà, sous la ligue me déchire. 14 ans déjà, tout est plongé des joues. 14 ans déjà, j'enchaînais les délits. La nuit en garde, j'enchaînais les délires. Midi, je frotte la bavette, mes papiers sont commis. 400 000 sont vendus, non, je fais pas la vedette. J'ai déjà 14 ans, je baisse tout à la banane. J'enchaîne les boulettes, samedi, sort sans boulogne. Ça coupe des barrettes, 2011, c'est la plume. Sa vie, ça rend stent en croco, je suis stylé. Père de requin, les gueux, je les fais craquer. J'enchaîne les gardes, 7 sur 7, les criquets. C'est moi les géris, donc fallait bien gérer. Et la Mac, on m'appelle, ma cité va craquer. Moi si t'es va craquer, 2012 c'est Prosper qui sort du CJD, 2013 en cellule avec Dims d'Arid Nantes, du chic du CELO, des bigots sous scellé, loin du peur agrandi au Père Lachaise, loin des peureux c'est les vraies rues de Paris, zéro mi-temps c'est ce qui forge le moral, zéro mi-temps c'est ce qui fait la légende, 14 ans déjà, minuit dans des délits, 14 ans déjà, maman trouve un calibre, je te parle d'une époque, lundi, lundi je péquette, tout seul on s'est fait, tes valeurs on s'en fout, tout seul on sait faire en femme et on s'en va, l'histoire elle est simple, manquait seulement ensemble, c'est la rue la vraie et les hommes qui racontent, 14 ans déjà, ouais 14 ans déjà. 14 ans déjà bloqué dans un donjon. 14 ans déjà kill de pédo je détaille. 14 ans déjà sous la ligue me déchire. 14 ans déjà tout est plongé des joues. 14 ans déjà j'enchaînais les délits. La nuit en garde, j'enchaînais les délires. Midi je frotte la bavette, mes papiers sont commis. 400 000 sont vendus, non je fais pas la vedette. 14 ans déjà bloqué dans un donjon. 14 ans déjà kill de pédo je détaille. 14 ans déjà sous la ligue me déchire. 14 ans déjà tout est plongé des joues. 14 ans déjà j'enchaînais les délits. La nuit en garde, j'enchaînais les délires. Midi je frotte la bavette, mes papiers sont commis. 400 000 sont vendus, non je fais pas la vedette.